Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des parcs herbeux, et me mène le long des eaux paisibles. Il restaure mon âme, et me conduit pour l'amour de son nom, par des sentiers unis. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette sont ceux qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me serrent, tu as oint ma tête d'huile odoriférante, et ma coupe est comble. Quoi qu'il en soit, les biens et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps.